Ensemble nous rend Et que les actes poussés et minorants Et il y a mis le faux qu'au cas où l'on Garde les chemins sur Broly chez eux Comme l'histoire de la démocratie Fume un hangar, c'est un seul roi Fait tout rôdier, gâte une couronne Ni est notre foi, tu veux te courir un grand Agni Reef, oh my God, you stole some.